finalement, c'est un rite de passage, parce qu'on paraît devant ses pères. L'efficacité proprement magique du rituel, la leçon inaugurale. Il y a là une tradition qui remonte au XVIe siècle. Moi, je me souviens de la leçon inaugurale de Raymond Aron. Bah, il était vert de peur. Une mode insensée s'est emparée du bergsonisme et on faisait la queue pour entrer dans la petite salle numéro 8 du Collège de France, comme aujourd'hui on fait la queue pour aller au cinéma. Les leçons inaugurales du Collège de France, coordination, Meryl Moneghetti. S'il m'est permis d'interpréter à mon tour le Collège, il est comme l'une des dernières ruses de l'histoire. Le professeur n'y a d'autre activité que de chercher et de parler, je dirais volontiers de rêver tout haut sa recherche. Lévi-Strauss, le jour de sa leçon inaugurale, debout dans le fond contre la porte de droite, il y avait Alain Cuny, vous voyez, l'acteur Alain Cuny. Et je me suis dit, c'est quand même extraordinaire, il n'y a pas que nous. Voici convié au Collège de France avec France Culture pour une nouvelle leçon inaugurale. Cet état des lieux d'une recherche en cours est aussi le reflet des mutations de notre monde. Quel degré d'autonomie peut-on attendre des robots ? C'est la question que pose Jean-Paul Laumont en faisant entrer la robotique au Collège de France dans le cadre de la chaire annuelle d'innovation technologique Liliane Bettencourt. Ce roboticien enseignant à l'ENS et directeur de recherche au laboratoire d'analyse et d'architecture des systèmes à Toulouse affirme son enthousiasme dans une interview donnée au Point en 2012. Le précédent millénaire s'est terminé sur la révolution informatique. Le nouveau millénaire commence sur celle de la robotique. En 50 ans, on a vu arriver le smartphone, les moteurs de recherche. C'est au tour des robots, de l'explorateur spatial à l'assistant chirurgien. Plus d'un million de patients ont été opérés avec un robot. Les premiers succès de la robotique remontent aux robots assembleurs, soudeurs ou peintres, largement répandus dans les usines du monde entier, depuis l'apparition en 1961 du robot Unimate sur une chaîne de production de General Motors. Il rappelle que la robotique traite du rapport avec le monde réel que peut entretenir une machine qui bouge et dont les mouvements sont dirigés par un ordinateur. De 2005 à 2008, Jean-Paul Laumont co-dirige un laboratoire franco-japonais dédié à la robotique humanoïde. Ses travaux actuels portent sur l'étude des fondements calculatoires de l'action anthropomorphe. Le défi majeur, c'est l'interaction avec l'humain, nous dit-il. Les robots sont enfermés dans des cages ou fixés au sol parce que s'ils disjonctent, au sens propre comme au figuré, ils peuvent être extrêmement dangereux. Pouvoir interagir en toute sécurité avec un robot va tout changer. C'est la voie ouverte aux robots d'appartement, aux robots humanoïdes. Jean-Paul Laumont voit dans Héphaïstos le dieu de la robotique. Il rappelle que le dieu boiteux s'est fabriqué des servantes en or qui l'aident à se déplacer, en clair, des robots d'assistance. Mais Héphaïstos, dans sa relation à la déesse Athéna, c'est aussi la tension entre savoir et faire. Tension que notre roboticien a expérimentée dans ses travaux. Toute une génération de roboticiens français, dont je fais partie, a été élevée dans cette vision tendue entre le rêve du chercheur et le pragmatisme de l'ingénieur. À ceux qui craignent l'arrivée des robots, il rappelle que les inventions ont souvent des applications surprenantes. Que dire des petits robots Nao que des équipes éducatives utilisent aujourd'hui pour assister les enfants autistes ? Et nous gagnons le grand amphithéâtre du Collège de France pour la leçon inaugurale de Jean-Paul Laumont, La robotique, une récidive d'Héphaïstos, le 19 janvier 2012. La robotique a 50 ans. Elle entre au Collège de France. C'est un très bel anniversaire pour elle. Je tiens à remercier l'Assemblée des professeurs pour l'avoir élu thème de l'année de la chaire Innovation technologique Liliane Bettencourt. Quelle est la part de savoir, la part transmissible que contiennent nos recherches? Comment en rendre compte? Est-il vraiment possible d'enseigner toute chose? D'une certaine manière, j'ai été rassuré par la précision apportée à la devise du collège. Il s'agit en fait d'enseigner le savoir en train de se faire, voire la recherche en train de se faire. Cet encouragement autorise la prise de risque. Ne vous attendez pas à recevoir un savoir stabilisé. Dans le domaine de la robotique, il ne l'est pas. En revanche, vous verrez qu'il est réellement en train de se faire et que l'aventure et passionnante. La robotique traite du rapport que peut entretenir avec le monde réel une machine qui bouge et dont les mouvements sont commandés par un ordinateur. Le robot se distingue à la fois de l'automate dont les mouvements sont mécaniquement déterminés et de l'ordinateur qui manipule des informations mais ne bouge pas. Quel degré d'autonomie peut-on attendre de telles machines ? La question sera l'objet de mes cours. Elle n'épuise pas toute la robotique, mais elle en rend compte pour une grande partie et elle porte en elle une certaine ambition. C'est en préparant cette leçon que j'ai découvert que les roboticiens avaient un dieu. Il s'agit d'Héphaïstos. Dans la mythologie grecque, Héphaïstos est un artisan de talent, ingénieux, il fabrique des armes remarquables et il est connu pour cela. Mais il fabrique aussi des chaises roulantes qui se déplacent toutes seules. En clair, des robots mobiles. Des servantes en or qui l'aident à se déplacer parce qu'il est boiteux. En clair, des robots d'assistance. Et il va jusqu'à façonner Pandore, une statue d'argile à laquelle Athéna prêtera vie. Il a une vie amoureuse tumultueuse. J'en retiens le passage rapporté par Apollodore, un chroniqueur du second siècle avant Jésus-Christ. Athéna était venue trouver Héphaïstos pour qu'il lui confectionne des armes. Le dieu, abandonné par Aphrodite, se laissa aller à désirer Athéna et il se lança à sa poursuite quand elle prit la fuite. Quand il eut réussi à se rapprocher d'elle, à grand-peine puisqu'il était boiteux, il chercha à l'étreindre. Mais elle, la chaste vierge, ne se laissa pas faire, si bien qu'il éjacula sur la jambe de la déesse. Dégoûtée, elle essuya le sperme avec un flocon de laine qu'elle jeta par terre, elle s'enfuit. Si Héphaïstos est le dieu du fer, Athéna qui apparaît ici comme celle qui passe commande est la déesse du savoir, ou, préservons-nous des spécialistes, surtout dans cette assemblée, considérons-la comme telle le temps de cette leçon. Héphaïstos cherche donc à posséder Athéna. Il n'y parvient pas. Le fer ne saurait prétendre au savoir, rude coup pour le roboticien. Et la robotique tient de cette tension. Si le mythe va à l'encontre d'une tendance actuelle à la confusion des genres entre science et technologie, il rend compte en tout cas de ma propre expérience en matière d'innovation. Expérience que je résumerai de manière lapidaire, si faire n'est pas comprendre, comprendre permet de faire, mais malheureusement pas toujours. Et si on peut très bien faire sans comprendre, faire procure aussi des outils, parfois inattendus, pour comprendre. La robotique a 50 ans. Plus exactement, elle a 51 ans. Si le mot robot apparaît tôt au siècle dernier et nourrit depuis l'imaginaire collectif, on s'accorde à dater la naissance de la robotique à l'introduction en 1961, du premier robot industriel sur les chaînes de montage de General Motors. Il s'agit du robot Unimate, issu du brevet déposé par Georges Devol et industrialisé par Joseph Engelberger, reconnu comme le père fondateur de la robotique. En France, à la même époque, Jean Vertu étudie au commissariat à l'énergie atomique la possibilité de commander à distance un bras manipulateur chargé d'explorer les zones irradiées des centrales nucléaires. Ce bras n'est pas autonome, son contrôle est néanmoins déporté, les commandes de l'opérateur sont transmises au robot non plus par l'intermédiaire de quelques pantographes mécaniques, mais par l'intermédiaire d'une armoire de commandes effectuant les traitements numériques capables de transformer les mouvements de l'opérateur en consignes à appliquer sur les moteurs du bras manipulateur. Nous sommes dans les débuts de la téléopération dont les plus beaux succès déboucheront sur la robotique médicale et sur la possibilité offerte aujourd'hui aux chirurgiens d'améliorer la précision de son geste. Plus d'un million de patients ont aujourd'hui été opérés avec un robot, et attention, non par un robot. Les mots ont leur importance. La recherche en robotique a donc été dominée à l'origine par la conception des machines à commande numérique et l'établissement des premiers liens entre machines et ordinateurs, entre mécanique et informatique. La robotique manufacturière est aujourd'hui bien implantée. Elle a considérablement renouvelé l'organisation des moyens de production. Son succès tient au caractère répétitif des tâches que les robots industriels accomplissent dans des environnements très bien structurés pour lesquels l'aléa se réduit le plus souvent à la panne moteur ou se traite par un arrêt d'urgence. Nul besoin de capacité évoluée d'adaptation dans ces environnements. La question de l'autonomie d'une machine commandée par un ordinateur ne se pose comme telle qu'à la fin des années 60. C'est avec le robot mobile Shakey du Stanford Research Institute en Californie que sont jetées les premières bases d'une recherche sur les robots autonomes. L'ambition affichée est de doter une machine de capacité de raisonnement sur ses actions. Le robot doit percevoir son état et l'état du monde qui l'entoure, on l'équipe donc de capteurs. Il doit agir, on l'équipe donc d'actionneurs lui permettant de se déplacer. Et l'ordinateur n'a plus qu'à décider automatiquement des actions à effectuer pour remplir une mission donnée et à contrôler leur bon déroulement. Il faut noter que les chercheurs du SRI n'ont aucune application en tête. La robotique est vue à l'époque comme un possible champ d'application des théories développées en intelligence artificielle. Elle tient plus du rêve que de la volonté de répondre aux problèmes bien posés de la robotique manufacturière. En France, le rêve va être relayé à la fin des années 70 par Georges Giralt au LAS CNRS à Toulouse. Il y crée le groupe robotique et intelligence artificielle et il y conçoit en 1977 le robot mobile ILAR que l'on peut voir maintenant au Musée des Arts et Métiers. Il lance en parallèle le programme Automatisation et robotique avancée qui sera coordonné par Philippe Coiffet. Le programme réunit industriels de la production et chercheurs autour d'une même question. Comment doter les robots de plus de flexibilité et faciliter leur programmation? Ce faisant, Georges Giralt établit le lien entre un nouveau projet de recherche ambitieux centré sur l'étude de la machine autonome et la robotique manufacturière qui avait déjà plus de 20 ans. Toute une génération de roboticiens français, dont je fais partie, a été élevée dans cette vision tendue entre le rêve du chercheur et le pragmatisme de l'ingénieur. C'est dans les années 80 que se créent les premières sociétés savantes, fédérations professionnelles et programmes internationaux de coopération dédiés à la robotique, et tout s'accélère à partir des années 90. En 1993, la société Honda dévoile les résultats de 7 années de recherche conduites dans le plus grand secret. P1, le robot de forme anthropomorphe, fait ses tout premiers pas. La même année, dans le cadre du projet Rotex, conduit par Gerd Zinsinger au DLR en Allemagne, un robot manipulateur embarqué à bord d'une navette spatiale est capable de saisir un objet flottant dans l'espace et d'assembler des pièces mécaniques entre elles. Le 4 juillet 1997, le robot Sojourner de la NASA commence sa déambulation sur la planète Mars. Il sera suivi des robots Spirit et Opportunity en 2004 pour des missions qui se poursuivent encore aujourd'hui. Le 11 mai 1999, la société Sony met sur le marché le premier robot jouet, un petit chien, capable de se déplacer, de percevoir son environnement et de reconnaître des commandes vocales. Le 7 septembre 2001, le professeur Jacques Maresco conduit la première opération de téléchirurgie sur une patiente localisée à Strasbourg avec l'aide d'une équipe chirurgicale située à New York. En 2005, une équipe de l'université de Stanford, conduite par Sébastien Trund, remporte le grand challenge DARPA. Son véhicule est le premier à parcourir en moins de 7 heures plus de 200 km dans le désert des Mojaves en totale autonomie. La même année, à l'exposition d'Aichi au Japon, la société Toyota présente un orchestre de jazz composé de robots humanoïdes jouant de divers instruments à vent. Le 25 mars 2009, le robot quadrupède Big Dog de la société Boston Dynamics, fondée par Mark Rebert du MIT, est testé en Afghanistan. Au printemps dernier, dans l'équipe de François Pierrot au LIRM à Montpellier, le robot parallèle R4 parvient à atteindre des accélérations de 100 G. Près de 2000 petits robots humanoïdes NAO ont été produits à ce jour par la société Aldébaran. Quel savoir se construit autour d'un tel foisonnement. La robotique trouve ses sources dans la mécanique. Elle a participé à l'émergence de champs disciplinaires tels que l'automatique et le traitement du signal. Elle emprunte à l'informatique, elle nourrit l'algorithmique. Il faudra attendre près de 20 ans après l'apparition d'une IMATE pour voir émerger les premières tentatives de théorisation d'un domaine qui se cherche. deux grandes écoles de pensée vont ranimer de vieux débats issus des sciences de l'homme pour les appliquer à l'étude des machines autonomes et structurer la recherche en robotique. Les tenants de ce qu'on peut appeler avec recul une phénoménologie robotique prônent la primauté du modèle. Comme sur cette vidéo du robot lama du LAS dans les années 90, le robot estime son état et l'état du monde qui l'entoure par l'intermédiaire de capteurs. Il en établit des modèles, raisonne à partir de ces modèles et décide des actions à effectuer pour remplir la mission qui lui est assignée. Cette école n'a jamais été vraiment théorisée. Elle se structure autour de thèmes tels que la conception et la commande des systèmes mécaniques, la vision et plus généralement la perception artificielle, la manipulation d'objets, l'algorithmique de la planification et du contrôle d'action, l'architecture des systèmes, dont les cours et séminaires donneront un aperçu, au moins pour les principaux d'entre eux. C'est cette école qui a conduit les grands programmes de robotique manufacturière, de robotique médicale ou de robotique d'exploration planétaire. Elle s'oppose à une école comportementaliste amenée par Rodney Brooks. Le charismatique chercheur du MIT prône dans les années 80 une conception de l'autonomie fondée sur l'absence de modèle du monde. L'intelligence de la machine doit émerger d'une hiérarchie de comportements sensorimoteurs gérés par des mécanismes excitateurs et inhibiteurs. Cette école de pensée donne naissance à une robotique dite bio-inspirée, relayée en France par Jean Acardi-Meyer. Elle est beaucoup moins en prise avec l'industrie que la précédente. Le robot est surtout considéré comme un support expérimental des théories issues des sciences du vivant. C'est de cette école que naîtront d'étranges créatures artificielles, comme celle-ci, les salamandres, amphibies, doquets, ichpertes, à l'EPFL, développées en collaboration, il faut le noter, avec Jean-Marie Kabelgen, neurophysiologiste à l'INSERM. Le dialogue entre les deux communautés, sciences du vivant et roboticiens, passe par l'élaboration de modèles mathématiques. Ceux du contrôle moteur proposés par Jean-Jacques Slotin du MIT en sont un exemple. De l'observation du vivant naissent également des approches formelles très astucieuses, telle l'approche développée par Nicolas Franceschini qui permet à un drone d'atterrir en douceur selon des principes mis en évidence par l'étude du vol des insectes. Comme cette leçon en témoignera, ma formation mathématique et ma rencontre avec Georges Giralt m'ont naturellement conduit à être un élève de la première école. Néanmoins, plusieurs séminaires associés à mes cours rendront compte aussi de la deuxième. D'ailleurs, cette séparation en deux écoles vacille aujourd'hui. Aujourd'hui, le 7e programme cadre de la Commission européenne en matière de technologie de l'information et de la communication inclut explicitement un sous-programme « Cognitive System and Robotics ». La tendance est une tendance de fond. On le voit avec la société Honda qui crée en 2003 au Japon, aux États-Unis et en Allemagne simultanément trois centres de recherche pluridisciplinaires combinant neurosciences et robotique. On le voit en Italie avec la création en 2005 à Gênes d'un institut du même type. On le voit en France avec la création en 2007 de l'Institut des systèmes intelligents et de robotique sur le campus de Jussieu. On le voit dans l'évolution des thématiques du groupement de recherche du CNRS sur la robotique. On le voit enfin au travers des 1600 pages de la première encyclopédie de la robotique publiée il y a seulement 4 ans et éditée par Bruno Siciliano de Naples et Oussama Khatib de Stanford qui me font l'amitié d'avoir fait le voyage. Nous avons vu en introduction qu'un robot agit par le mouvement. Son autonomie passe ainsi en premier lieu par sa capacité à décider de ses actions. Commençons donc par la question du calcul automatique du mouvement. Quelle méthode mettre au point pour que le couple machine-ordinateur puisse atteindre un but fixé sans percuter d'obstacles et sans qu'un opérateur ne spécifie explicitement dans tous ses détails le mouvement à effectuer? Supposons que le robot ait une connaissance parfaite de son environnement. Comment, dans ces conditions, un ordinateur peut-il calculer un mouvement à effectuer à partir d'une position de départ pour atteindre un but fixé? Comment éviter les obstacles? Comment être certain que le but est ou n'est pas atteignable? Le problème ainsi posé a été popularisé en robotique par l'expression évocatrice du problème du déménageur de piano. Il est parmi les plus emblématiques de la robotique. Un ordinateur peut-il résoudre la question ? Pour donner sens à ce type d'interrogation, nos collègues informaticiens utilisent la notion de décidabilité. Lorsqu'un problème est décidable, l'ordinateur soit donne une solution s'il en existe une, soit informe avec exactitude de la non-existence d'une solution. La question est donc précise, le problème du déménageur de piano est-il décidable ? La réponse est oui. Et la démonstration s'est faite en deux étapes au début des années 80. Première étape, Thomas Lozano Pérez du MIT suggère de transformer le problème du déplacement d'un corps dans l'espace en un problème du déplacement d'un point. Effectivement, si on peut réduire le piano à une balle de ping-pong, le problème est beaucoup plus simple. Mais comment s'y prendre ? Dans l'exemple que je vous propose, le robot est constitué de deux barres articulées. Pour définir sa position, deux angles sont nécessaires. Ces deux angles correspondent à un point sur le tore. De manière générale, l'espace des configurations d'un bras manipulateur sera constitué de quelques paramètres articulaires, d'une trentaine pour un robot humanoïde. Le problème qui consiste à trouver un mouvement sans collision dans l'environnement encombré d'obstacles dans l'espace physique se trouve ainsi transformé en un problème de recherche d'un chemin pour un point évoluant dans un espace abstrait où les obstacles du monde réel sont transformés en obstacles dans cet espace. En termes mathématiques, il s'agit d'explorer les composantes connexes de l'espace des configurations libres de collision. C'est la deuxième étape. Vous écoutez France Culture, la leçon inaugurale de Jean-Paul Loumont, La robotique, une récidive d'Héphaïstos en 2012 au Collège de France. On sait que depuis que l'ordinateur Deep Blue a battu Gasparov aux échecs, un ordinateur a la capacité d'explorer des espaces de très grande complexité. Mais la situation du jeu d'échecs, pour complexe qu'elle soit, est intrinsèquement finie. Les états du jeu sont en nombre fini, certes très grands, mais fini. Les transitions entre deux états sont instantanées et ne répondent qu'aux quelques règles de déplacement des différentes pièces de l'échiquier. Dans le cas de la planification de mouvement, le problème est autre. Un mouvement est une fonction continue du temps dans l'espace. Comment un ordinateur peut-il résoudre ce problème de continuité, lui qui est condamné au calcul ? En d'autres termes, comment rendre combinatoire ce problème continu par nature ? La question séduit mathématiciens et combinatoriciens, et en particulier Jacob Schwartz et Mika Sharir du Courant Institute de New York. Ils publient en 1983 une solution générale au problème valable pour n'importe quel système mécanique. L'idée de la démonstration repose sur une méthode de réduction du problème du déménageur de piano au problème de la décidabilité de l'algèbre élémentaire, décidabilité qui avait été établie dans les années 50 par le mathématicien Tarski. Et sur un algorithme proposé par le mathématicien Collins dans les années 70, l'algorithme est complet, l'ordinateur donne une solution s'il en existe une et affirme avec exactitude l'absence de solution, le cas échéant. Pour faire référence au mythe, disons que Athéna a gagné, elle sait comment faire. Le problème est résolu ? Pas vraiment. Ou plutôt, il est résolu, c'est sûr, mais pas de manière utile. En effet, la complexité d'algorithme, c'est-à-dire le temps de calcul nécessaire à son exécution, constitue un obstacle majeur à son utilisation. L'algorithme est doublement exponentiel dans la dimension de l'espace des configurations. Il prend trop de temps. Héphaïstos n'a que faire d'une solution puissante au plan formel, mais inefficace en pratique. Les mathématiciens de la géométrie algébrique réelle continuent d'explorer la voie, ils réduisent la complexité des algorithmes, les progrès sont lents et la recherche difficile. Encore aujourd'hui, il y a peu d'espoir de les voir un jour être utiles à la planification de mouvements. En 1990, je séjourne quelques mois à l'université de Stanford. Jérôme Barakan et Jean-Claude Latombe viennent de mettre au point une toute nouvelle approche. Il s'agit d'étendre une méthode de recherche locale mise en place par Oussama Khatib quelques années auparavant, la méthode des potentiels. La méthode agit dans l'espace des configurations. Le point de départ est attiré par le but à atteindre tout en étant repoussé par les obstacles qui se situent sur son chemin au fur et à mesure de sa progression. Les potentiels attractifs et répulsifs engendrés respectivement par le but et les obstacles se combinent. donnant naissance à un champ de potentiel. Un algorithme de suivi de la plus forte pente, le gradient, permet de progresser vers le but. Il reste que la méthode, vous pouvez le constater, pour efficace qu'elle soit en pratique, a l'inconvénient de s'arrêter dans des zones de pente nulle, les puits de potentiel, qui ne correspondent pas nécessairement au but à atteindre. Barakan et Latombe ont l'idée, on peut dire l'audace, d'introduire dans ces cas-là des marches aléatoires. L'algorithme consiste ainsi en une séquence alternant descente de gradient et marche aléatoire. Au bout d'un certain temps, le but est atteint. Regardez. Une première descente de gradient, bon, on est dans un minimum local. Eh bien là, on va perturber un petit peu le système, on va faire une marche aléatoire, puis une descente de gradient, ça marche pas, une marche aléatoire, une descente de gradient, etc., etc. Puis à un moment donné, on va se rendre compte que la dernière descente de gradient va permettre d'atteindre le but. Comment prouver qu'on va réellement atteindre le but? Eh bien, on le peut pas. Ou plutôt, on peut apporter la preuve que s'il existe une solution au problème, alors il existe une séquence de longueur indéfinie qui en trouvera une. Et s'il n'y a pas de solution, l'algorithme bouclera à l'infini. En pratique, on l'arrêtera à partir d'un certain temps de calcul et on se retrouvera sans solution ni garantie qu'il n'y en ait pas. On ne peut pas dire que le problème formel du déménageur de piano est résolu. Pourtant, les résultats sont spectaculaires. Un étudiant me fait une démonstration sur un système constitué de 8 barres articulées, espace des configurations de dimension 8, dimension jusqu'alors hors de portée de toute autre méthode. Le robot se faufile dans un espace très encombré après seulement quelques secondes de calcul. Je suis époustouflé devant tant d'essence. Connaissant quelque peu le problème, je propose à l'étudiant de faire tourner son programme à partir d'une configuration de départ très particulière qui est attirée par un puits de potentiel très profond. Après plus d'une nuit de calcul, le programme n'a pas trouvé de solution, alors que nous savions qu'il y en avait une. La morale est sauve. Il n'y a pas eu de miracle. Le savoir-faire d'Héphaïstos ne s'est pas hissé au rang du savoir. Le problème restait bien entier. Le problème restait entier, certes. Simplement, il avait fallu que j'élabore un cas très particulier pour piéger l'algorithme. En général, l'algorithme marchait très bien. Intrigué à mon retour de Stanford, je lançais un sujet de recherche que je peux ainsi résumer. Pourquoi la méthode marche-t-elle si bien ? Un an de travaux avec un doctorant, Florent Lamiro, maintenant directeur de recherche au CNRS, permis d'identifier le type de mathématiques qui pourrait rendre compte de la performance. Elle parle de théorie des catastrophes et de percolation. J'allais donner un séminaire dans un laboratoire de physique statistique à Toulouse. J'y rencontrais donc les spécialistes qui comprirent très rapidement la nature du problème que nous posions. Et non sans humour, ils me proposèrent d'intégrer leur laboratoire pour traiter ensemble du problème, auquel cas il me fallait abandonner la robotique. Comprendre le comportement de ces méthodes est en effet un problème extrêmement difficile. Il reste ouvert encore aujourd'hui. Au retour de ce séminaire, nous convînmes avec Florent Lamiro de changer le sujet de thèse. Héphaïstos rageait d'abandonner. Qu'importe, il avait ouvert la porte au développement des méthodes probabilistes. Elles sont efficaces en pratique et elles sont également faciles à programmer. Elles permettent aujourd'hui de planifier les mouvements complexes d'un robot humanoïde transportant des objets aussi encombrants qu'une haltère que vous avez ici sous les yeux. Et elles trouvent des débouchés inattendus. Les méthodes probabilistes sont à l'origine d'une plateforme logicielle élaborée au LAS CNRS par Thierry Siméon dans le cadre d'un projet européen auquel participait EDF. Des problèmes grandeur nature sont alors résolus avec succès. Il s'agissait de simuler des opérations de maintenance dans des centrales nucléaires. En 1999 paraît la loi sur l'innovation. Elle encourage les chercheurs à créer leur entreprise. Elle s'accompagne d'un concours. Le concours est passé avec succès. L'entreprise Kineo est créée en décembre 2000. L'idée était de se tourner vers le marché du prototypage virtuel. Dans ce secteur, il s'agit de valider des solutions d'assemblage mécanique et de programmation de robots à partir de maquettes numériques. On est dans un monde virtuel, dans une phase de conception préalable à la phase de production. Les techniciens explorent les maquettes sur un écran d'ordinateur, bougent les pièces mécaniques, vérifient qu'elles sont conformes. Il s'agit par exemple de prouver qu'on peut placer un siège tout juste sorti d'un bureau d'études à l'intérieur de l'habitacle d'une voiture. Si ce n'est pas le cas, le siège doit être redessiné. C'est le problème du déménageur de piano vu sous l'angle de l'assemblage mécanique. La tâche de vérification peut prendre plusieurs heures aux techniciens. Les algorithmes probabilistes résolvent le problème en quelques secondes. Quelques heures, quelques secondes, là se trouve la valeur du mouvement. Quelques années sont nécessaires pour transformer en produit le prototype logiciel issu du laboratoire et l'intégrer au logiciel diffusé par Dassault Systèmes et Siemens. C'est pas nécessairement simple. En 2011, la société gère un portefeuille de plus de 1700 licences qui équipe la quasi-totalité des constructeurs automobiles dans le monde, et Phaistos a bien fait son travail. Mais il rage toujours de ne pas comprendre les raisons de ce succès. Comprenons bien, il y a du génie dans ces méthodes. Il réside dans leur parfaite adéquation avec l'état de la technologie en matière de calcul. Les ordinateurs des années 60 n'auraient pas récompensé la même hardiesse. Restons dans le domaine du mouvement. En 1985, Georges Giralt me pose la question suivante. Le problème du déménageur de piano est un problème bien compris. Bien. Pour le résoudre, il suffit d'explorer les composantes connexes de l'espace des configurations sans collision. L'hypothèse sous-jacente est que tout mouvement du système mécanique, nous l'avons vu, a pour image un chemin dans l'espace des configurations. Mais qu'en est-il de la réciproque ? À tout chemin correspond-il un mouvement ? En particulier, un robot mobile à roues doit rouler sans glisser. Il ne peut pas se déplacer dans toutes les directions. Ce n'est pas un piano que les déménageurs peuvent déplacer dans tous les sens. Toute la construction précédente s'effondre. Ce n'est pas parce qu'on va trouver un chemin sans collision dans l'espace des configurations que ce chemin est l'image d'un mouvement admissible pour le robot mobile. Faire un créneau est une tâche plus difficile qu'il n'y paraît. Un lien doit être fait entre ces notions qui sont du ressort des mathématiques pures et non pas des mathématiques appliquées, les notions combinatoires de décidabilité. La preuve est établie que pour garer sa voiture, le nombre de manœuvres à effectuer varie comme l'inverse du carré de l'espace libre. Venez au cours du 13 février, je vous en ferai la démonstration. Elle n'est pas si difficile que ça. Et si le véhicule tire des remorques à la queue-leu-leu, comme les chariots dans les aéroports, le nombre de manœuvres est une fonction exponentielle d'un nombre de Fibonacci, lui-même fonction exponentielle du nombre de remorques. La démonstration a été établie par le professeur Riesler, et un de ses étudiants qui passait à normale supérieure à ce moment-là. C'est un peu compliqué, mais c'est surtout complexe. Le résultat indique que s'il est envisageable de faire un créneau avec sa voiture tractant une caravane, il n'est pas raisonnable de demander une telle prouesse à un bagagiste sur une piste d'aéroport. Ce n'est pas que la tâche soit impossible, c'est qu'elle est trop complexe. Le nombre de manœuvres serait beaucoup trop grand. Ce n'est pas une question de technologie, c'est une réalité physique. Héphaïstos peut toujours essayer, il se fera moquer par Athéna. Ce beau résultat de combinatoire repose sur la connaissance de géométrie quelque peu exotique. Le savoir a des débouchés là où on ne s'y attendait pas. La robotique sera d'ailleurs invitée au colloque Mathématiques à venir organisé en 1987 à l'École Polytechnique dans une session spéciale subtilement intitulée Application des mathématiques pures. Les ingénieurs n'ont donc pas seulement besoin de mathématiques appliquées pour conduire leurs innovations, ils ont aussi besoin des mathématiques pures. Venons-en à la dernière partie de cet exposé. Elle est consacrée aux robots humanoïdes. Les robots humanoïdes apparaissent dans les années 70. On compte aujourd'hui une bonne vingtaine de prototypes différents. Et Phaistos recommence donc avec de nouvelles Pandore. Elles ne sont plus d'argile, mais mécatroniques. Et elles sont animées. Le roboticien continue à poser la question de l'autonomie. De quelle capacité d'adaptation peut-on espérer doter ces nouvelles machines ? L'analogie entre l'homme et la machine s'impose. Elle ne peut être esquivée. Héphaïstos détiendrait-il finalement les clés du savoir ? Avec ces machines qui s'adaptent, qui décident de leurs actions, que peut-il nous dire sur notre propre fonctionnement ? La question est dangereuse, belle et passionnante. Le danger est épistémique. La robotique ne peut servir d'alibi à la biologie. Un modèle biologique ne peut pas être validé sur une plateforme robotique. Si des modèles du vivant peuvent être simulés sur un ordinateur, si des robots peuvent être commandés selon ces principes, parfois très efficacement, il n'est en aucun cas possible de conclure à leur validité du seul fait de leur caractère opérationnel en robotique. Ce n'est pas parce qu'un roboticien utilise avec un succès un modèle bio-inspiré que ce succès dit quoi que ce soit sur la validité du modèle biologique. Et inversement, ce n'est pas parce que le roboticien est capable de faire naviguer un robot mobile dans un environnement encombré d'obstacles que nous savons comment l'homme ou l'animal résout le même problème. La confusion est pourtant tentante. Elle est souvent avérée. Elle est entretenue par le dangereux usage des mots. On passe imprudemment de la machine autonome à la machine intelligente, puis pensante, voire consciente, sensible, et pourquoi pas amoureuse, hein ? Mais à ma connaissance, personne n'a encore osé le mot. Soyons émerveillés par la prouesse du robot de Toyota jouant du jazz à la trompette, mais sachons qu'il n'éprouve rien, qu'il n'y a aucune humanité dans son jeu, et réfléchissons à nos propres transferts. Certains d'entre nous ont une étrange affection pour leur voiture. Je ne pense pas que cette affection soit réciproque. Gardons en tête l'image du mythe. Et ce n'est qu'une image. Si le roboticien peut s'identifier à Héphaïstos, s'il peut façonner Pandore dans l'argile, il n'est ni Athéna, ni Gepetto. Il ne donnera jamais une quelconque humanité à l'argile ou au bois. Un robot est une machine commandée par un ordinateur, il n'est que cela. Pour animer qu'il soit, il reste et restera un objet sans âme qui s'attache à notre âme, ni force d'aimer, pour reprendre un vers de Lamartine. Laissons parler les démiurges, régalons-nous des œuvres de Fritz Lang et de Marie Shelley, et n'ayons pas peur. Pour tout dire, sommes-nous vraiment angoissés ? Ce n'est pas si certain. En tout cas, nos amis japonais ne le sont pas, eux, si différents de nous, eux pour qui l'union est possible. La question de l'analogie entre l'homme et le robot humanoïde est dangereuse, il fallait y répondre. Elle est aussi belle et passionnante à partir du moment où on lui donne quelques rigoureuses substances. Le Collège de France et France Culture vous présente le roboticien Jean-Paul Laumont, la robotique, une récidive d'Héphaïstos. S'il est une prouesse technologique réalisée par l'homme, c'est bien l'invention de la roue. Un disque tournant sur le plan vertical, posé sur un plan horizontal, se met à rouler. Le centre du disque se déplace. La roue est spécialisée dans le déplacement. Si se déplacer est l'apanage du vivant, en tout cas en première approche, il est étonnant de constater que la nature n'a pas inventé la roue. Un système anthropomorphe et sous-actionné signifie qu'il ne possède pas de moteur spécialisé dans le déplacement. L'homme se déplace en mettant un pied devant l'autre et en recommençant, c'est-à-dire en faisant varier les articulations internes de son squelette et donc en activant un grand nombre de muscles, alors même que deux roues y eussent suffi. La locomotion anthropomorphe est une tâche beaucoup plus complexe que la conduite automobile. L'une fait intervenir beaucoup plus de variables motrices que l'autre. Comment tous les muscles du corps humain se coordonnent-ils pour réaliser une tâche de saisie ? Comment coordonner tous les moteurs d'un robot humanoïde pour réaliser la même tâche ? Les questions sont précises. Si les unes cherchent à comprendre et les autres à faire, la formulation que nous avons introduite montre qu'elles sont de même nature. Elles interrogent la relation entre l'espace moteur et l'espace physique. Cette relation est centrale pour comprendre notre rapport au monde. Henri Poincaré en a posé les termes. C'est bien là la puissance des mathématiques que de proposer une formulation commune aux sciences et aux techniques, et c'est cette base qui contribue aujourd'hui à l'émergence de nouveaux champs comme la neurorobotique. Si toutes les variables angulaires d'un squelette sont connues, il est aisé de déduire la position de la main gauche dans l'espace. Elle est unique. La réciproque, nous l'avons vu, est fausse. Si vous connaissez la position de la main gauche dans l'espace, il y a une infinité de variables angulaires du squelette qui donnent la même position. Le squelette est redondant. Elles vont correspondre à une infinité de postures, dont certaines peuvent être irréalistes. Il faut donc d'autres critères pour faire la sélection. Parmi toutes les postures possibles, vous pouvez demander celle qui est la plus confortable, c'est-à-dire celle qui correspond au moindre effort, l'effort étant exprimé dans l'espace moteur comme la somme de toutes les forces exercées sur les muscles. Dans ce cas, un algorithme d'optimisation numérique va conduire à la sélection de la meilleure posture. La méthode s'applique au système redondant, mais ne rend pas compte du sous-actionnement. Elle permet de saisir une balle à condition de ne pas marcher. Nous avons récemment levé la restriction par une astuce de modélisation. Le système locomoteur sous-actionné est représenté sous la forme d'un bras manipulateur virtuel constitué d'empreintes de pas qui peuvent se déplier comme un accordéon. Nous ajoutons ainsi artificiellement de la redondance au système et la méthode générale peut s'appliquer. Un algorithme d'optimisation va pouvoir ainsi sélectionner un mouvement et coordonner les 30 moteurs du robot HRP2 pour ramasser une balle à ses pieds. Pour ce faire, le robot doit reculer. Et là, je souhaite insister, aucun programme spécifique à la locomotion ne l'a précisé. Les quelques pas que le robot effectue en arrière pour dégager la balle sont partie intégrante de la tâche de saisie. Le corps tout entier a contribué à la tâche. On prend avec ses pieds. Je disais plus haut que faire peut fournir des instruments pour comprendre. Sur la base des principes que nous venons de voir et qu'il a contribué à développer, Yoshi Nakamura de l'Université de Tokyo vient de mettre récemment au point une méthode qui permet de voir l'état de tension de tous les muscles d'un homme à partir de la seule observation de ses mouvements. Un ensemble de caméras repère la position des segments corporels dans l'espace ambiant. Elles sont couplées à une plateforme de force qui situe en permanence les points de pression du sujet sur le sol, et c'est tout. Étienne Jules Marais pouvait-il en rêver, lui qui a inventé la chronophotographie dans le même but d'observer et de comprendre le mouvement humain ? Comprenez bien, il s'agit d'une technique qui permet de voir le système musculaire à l'intérieur du corps sur la seule base de l'observation visuelle de son enveloppe. Nul besoin de passer le sujet au rayon X ou au scanner. Le modèle mathématique suffit, simple, efficace et bon marché. La technique repose uniquement sur la maîtrise de la fonction qui met en relation espace de l'action et espace moteur. Henri Poincaré aurait salué l'invention. Le principe d'optimalité sous-jacent à l'étude de la relation entre espace moteur et espace de l'action ne pouvait pas ne pas entrer en résonance avec les mêmes principes étudiés en neurophysiologie. Si le cerveau et le système nerveux dans son ensemble disposent de plusieurs centaines de muscles pour contrôler la main qui s'apprête à saisir un objet, comment fait-il pour faire face à cette extraordinaire complexité ? La réponse est simple. L'évolution a mis en place des principes de synergie musculaire, une forme d'automatisme qui coordonne un ensemble de muscles par l'intermédiaire d'un faible nombre de variables. Si au final le mouvement se déroule bien dans des espaces de très grande dimension, espace moteur et espace des configurations, les études montrent que le choix s'effectue en fait dans des sous-espaces plus faiblement dimensionnés, conséquence de couplage. Lorsqu'on marche, le bras droit avance avec la jambe gauche, et de principe d'optimalité. Ils réduisent la dimension des espaces à explorer. L'identification de ces couplages et principes est aujourd'hui un thème central des neurosciences computationnelles. pionnier dans le domaine, Alain Berthoz, a trouvé un très beau nom à la théorie sous-jacente, la simplexité. Elle réunit ces principes réducteurs de la complexité que le vivant a su inventer. Ensemble, et en collaboration avec notre collègue spécialiste d'optimisation numérique Katia Mambor de l'Université d'Heidelberg, nous avons pu mettre en évidence les principes qui préludent à la formation des trajectoires locomotrices. Prenons l'exemple suivant. Vous entrez dans un grand espace vide, une galerie marchande, hein, par exemple. Vous devez la traverser pour en sortir par une porte. L'espace est vaste. Vous allez suivre une trajectoire. Vous avez fait un choix. Vous croyez que c'est votre trajectoire. En fait, nous avons montré que tout le monde va suivre sensiblement la même. Notre comportement est stéréotypé. Il suit un principe qui exprime une subtile combinaison entre le confort du mouvement qui conduit à anticiper l'orientation finale à atteindre, être bien en face de la porte de sortie, et l'ancrage du regard sur la porte. La difficulté est de trouver ce principe, nous l'avons trouvé, mais une fois trouvé, il est très facile à en mettre en œuvre sur un robot. C'est ainsi que le robot humanoïde HRP2 emprunte les mêmes trajectoires que celle que nous emprunterions à sa place. Le roboticien bénéficie des principes qui régissent l'autonomie du vivant tout en contribuant à leur étude. Fallait-il nécessairement en passer par là pour faire marcher le robot HRP2 ? La réponse est non. D'autres robots utilisent d'autres approches qui sont aussi raisonnables du point de vue du résultat. Mais poursuivons et examinons de plus près la démarche des robots humanoïdes actuels. La plupart d'entre eux ont les pieds plats et marchent jambes fléchies. Ce manque de souplesse est une conséquence du processus qui a conduit à leur conception. La nature montre que les bipèdes marchent avec la tête et pas avec les pieds. Et quel est le sens de cette provocation ? Résumons rapidement. La méthode de contrôle que nous avons évoquée repose sur l'observation du centre de pression exercé par les pieds sur le sol. Or, le neurophysiologiste nous enseigne que le bipède vivant stabilise sa tête en rotation dans le plan sagittal. Le référentiel à l'origine du contrôle de la locomotion se trouve dans la tête. L'information est donnée par le système vestibulaire. La locomotion doit être envisagée comme un processus qui part du regard vers les pieds et non pas l'inverse. Un robot ne marchera comme un humain, qu'à la condition de placer les capteurs de posture, centrale inertielle et autres accéléromètres, dans une tête articulée. En conséquence de quoi, la conception même du robot bipède doit intégrer un corps complet. On ne doit pas le concevoir étape par étape, d'abord les jambes, puis le tronc, les bras et la tête, comme c'est souvent le cas. La tête ne doit pas être ajoutée seulement pour porter deux caméras et donner une apparence humaine au robot. Elle est une condition indispensable à la stabilisation de la locomotion du bipède vivant. Elle est une condition possible à la stabilisation de la locomotion des robots humanoïdes. Le message est clair. Le principe a été découvert. Il reste au roboticien à l'inventer. Il ne suffit pas de dire, il faut faire. D'ailleurs, l'enfant lui-même doit l'inventer dans une longue période d'apprentissage. Quels sont les mécanismes qui conduisent cet apprentissage ? Voilà des questions autour desquelles neurophysiologistes, psychophysiciens et roboticiens se retrouvent et qui nourrissent la féconde tension. Le dialogue est possible. Les modèles probabilistes, par exemple, sont là pour décrire les processus. Chaîne de Markov et inférence bayésienne permettent de structurer et d'explorer des bases de données de grande taille dans des espaces de grande dimension. Elles bénéficient, elles aussi, des progrès technologiques en matière de calcul. Il reste que si la corrélation entre deux variables permet au roboticien de stabiliser son robot, elle ne dit rien sur les relations de causalité. De toute façon, le roboticien n'en a cure, condamné qu'il est à faire. Et s'il peut inventer une méthode qui s'affranchisse de cette phase d'apprentissage, c'est tant mieux. Je force un petit peu le trait, hein, mais on ne se protège jamais assez des dangereuses analogies. Le millénaire passé s'est terminé sur la spectaculaire percée de l'informatique. Le deuxième naît avec la révolution robotique. Il ne s'agit plus seulement de manipuler des informations, les choses se mettent à bouger. La robotique manufacturière s'est discrètement imposée dans les années de croissance sans qu'elle soit vraiment affichée comme un facteur de progrès. Aujourd'hui, d'autres adjectifs la qualifient dans un foisonnement que nous avons évoqué en introduction. La robotique est médicale, personnelle, d'assistance, d'exploration, agraire, sous-marine, volante, spatiale, militaire. Touche à tout, la robotique est aujourd'hui un fleuron de la technologie. On attend beaucoup d'elle. Depuis 2006, le programme Information and Robot Technology au Japon voit dans la robotique le moyen d'aborder la question de l'inversion de la pyramide des âges. Les robots assistants vont partager notre quotidien, ils faciliteront la mobilité des personnes âgées, ils permettront leur maintien à domicile en toute sécurité. L'an dernier, l'administration américaine a lancé le programme National Robotics Initiative, doté de 70 millions de dollars par an. Il s'agit d'élaborer des robots capables de travailler en collaboration étroite avec des hommes dans les domaines manufacturiers, mais aussi médical, spatial, militaire et d'aide à la personne. Ces programmes, alliant pouvoir public, industrie, université et instituts de recherche, marquent un tournant dans ce sens que la conscience est prise. Les robots peuvent sortir des enclos de leurs usines pour travailler avec l'homme et le servir. L'homme devient partie intégrante de l'environnement du robot. Au même titre qu'en robotique chirurgicale, des méthodes de déformation du muscle cardiaque sont nécessaires pour contrôler automatiquement la position d'une pince sur un cœur battant, raisonner sur un monde dont l'homme est partie prenante requiert des modèles de l'homme. La relation homme-robot est aujourd'hui un thème central de la recherche en robotique. À elle seule, elle justifie, s'il le fallait, les recherches pluridisciplinaires évoquées plus haut. Elles sont indispensables, mais elles ne suffisent pas. Les questions de sécurité dans l'interaction physique de l'homme avec le robot sont critiques. Regardez la performance ici de la vidéo à droite qui a été recherche développée donc au DLR à Munich. Ces questions de sécurité donc vont au-delà des questions de sécurité de fiabilité des algorithmes et des programmes tels qu'on a l'habitude de les aborder en informatique. Elles concernent la conception de nouveaux moteurs plus compliants, de nouveaux matériaux plus souples, de nouveaux capteurs plus petits, plus précis. Le spectre est large, qui va des micro, voire nanotechnologies, au questionnement sur les fondements calculatoires de l'action anthropomorphe. L'ambition est très grande. Le monde s'est étonné qu'aucun robot ne soit efficacement intervenu dans la centrale nucléaire de Fukushima en mars dernier. Il faut comprendre que les robots d'intervention qui font la une de nos journaux parfois sont encore loin d'être opérationnels. Répondant à un message de solidarité que je lui avais envoyé, le professeur Yoshi Nakamura m'écrivait le 20 mars 2011. De nombreux chercheurs en robotique dont je fais partie ont été stupéfaits par le fait que nous ne disposons d'aucune arme face au problème. Il se peut bien que même la technologie et démontrer là son immaturité. La phrase est terrible, venant d'un des meilleurs spécialistes mondiaux en robotique et qui sera d'ailleurs présent au colloque de clôture au mois de juin. Les effets d'annonce sont dangereux. Il faut donner du temps à la recherche. L'innovation doit être, certes, stimulée. C'est le rôle des grands programmes. Elle se commande difficilement. Elle apparaît souvent là où on ne l'attend pas. Nous en avons vu des exemples et les technologies de l'information en regorgent. Que dire des petits robots Nao de la société Aldébaran que des équipes éducatives utilisent aujourd'hui avec des enfants autistes? Aucune commande n'a été passée. Et pourtant, quelle belle part d'innovation si une petite machine communiquant par la voix et le mouvement peut aider ses enfants à sortir en partie de leur isolement. Toute la période récente prouve qu'il est difficile de prévoir l'impact des progrès en matière de technologie. Steve Jobs n'a pas répondu à des besoins. Il a créé ce dont on ne peut se passer aujourd'hui et dont on se passait hier. C'est bien là son génie. Pour ce qui est de la robotique, son impact va toucher de nombreux secteurs. Nous avons fait la liste des plus probables. Comment allons-nous nous adapter facilement ? L'homme a une grande plasticité pour intégrer les nouvelles technologies. La roue nous a conduit à bitumer nos paysages et nous avons des difficultés à éteindre nos téléphones portables. L'innovation technologique condamne toujours des savoir-faire et des savoir-vivre. Dans ce sens, la robotique doit aussi nous interroger. Le roboticien peut dire de quoi il retourne. C'est ce que j'ai tenté de faire. Mais malheureusement, certainement pas plus. Il est face à Athéna, l'éternel boiteux. Il n'a rien à dire qu'il sache sur la civilisation. Il ne sait que faire. Ce qui vaut pour le roboticien, vaut-il pour le citoyen chercheur en robotique ? Je pense que oui, mais j'admets bien volontiers que j'atteins là les rivages peu sûrs de ma référence au mythe. Donc revenons pour conclure au texte d'Apollodore. L'épisode se termine ainsi. Athéna s'enfuit et de la semence tombée dans la terre naît Erichthonios. Erichthonios est l'un des premiers rois d'Athènes. Ce n'est quand même pas rien. La tentative de possession n'a donc pas été stérile. C'est bien ce que nous avons vu, elle transforme d'ores et déjà nos modes de vie. Et contrairement à une idée reçue, et vous le rappeliez en introduction, l'impact de la robotique en matière d'emploi est positif. Dans les 5 ans à venir, la robotique industrielle va créer plus d'un million d'emplois. Je ne peux pas ne pas terminer sans remercier Héphaïstos, Athéna, ainsi que les peintres et dessinateurs qui perpétuent les mythes. Tous ceux avec qui je partage cette aventure humaine qu'est la recherche, et ils sont nombreux, et vous, enfin, Madame Bettencourt-Meyer, pour votre présence à cette leçon. Je vous remercie de votre attention. C'était la leçon inaugurale de Jean-Paul Laumont, La robotique, une récidive d'Héphaïstos, le 19 janvier 2012 au Collège de France. Le texte de cette leçon est publié chez Fayard en 2012. Sur les sites de France Culture et du Collège de France, vous retrouverez tous les liens, la vidéo et les informations liées à cette diffusion. Cette émission sera rediffusée dans le cadre des Nuits de France Culture. Un grand merci à notre équipe de réalisation, Olivier Guérin et Alex Dang. Et un grand merci à la documentation d'actualité de Radio France. Belle fin de journée à l'écoute de France Culture.